Le printemps fut singulièrement précoce et chaud. Depuis les douces matinées, jusqu'aux calmes et tièdes soirées, le soleil faisait germer toute la surface de la terre. C'était une brusque et puissante éclosion de tous les germes en même temps, une de ces irrésistibles poussées de sève, une de ces ardeurs à renaître que la nature montre quelquefois en des années privilégiées qui feraient croire à des rajeunissements du monde. Jeanne se sentait vaguement troublée par cette fermentation de vie. Elle avait des alanguissements subits, en face d'une petite fleur dans l'herbe, des mélancolies délicieuses, des heures de mollesse rêvassantes. Puis elle se sentit envahie par des souvenirs attendris des premiers temps de son amour. Non qu'il lui revint au cœur un renouveau d'affection pour Julien. C'était fini, cela, bien fini pour toujours. Mais toute sa chair, caressée des brises, pénétrée des odeurs du printemps, se troublait, comme sollicité par quelque invisible et tendre appel. Elle se plaisait à être seule, à s'abandonner sous la chaleur du soleil, toute parcourue de sensations, de jouissances vagues et sereines qui n'éveillaient point d'idées.